J'ai la rime sombre et froide comme la Sibérie. Mon cœur porte des cicatrices comme la face à Ribéry. Ouais, je gratte mes faces sur papier, pas sur Blackberry. Je m'en tape d'être à la page vu qu'on les tourne quand elles sont pas terribles. C'est tout ça la prod. Entends la voix des morts, il me faut du lourd. C'est pour l'album, il faut que j'envoie tout dans le décor. Ouais, je crois que c'est dans mes cordes. J'ai le rap dans le poitrail, des rimes de poil et wax style. Fuck part, c'est du wall style. Ranger les spotlights, moi je rappe dans l'ombre. Dans mon monde c'est dark, mes frères savent de quoi. Fait que je rappe comme un démon. Ouais que la poche démonte, t'es mal et marque, j'inflige le mic. Ça crame dans mon crâne, voilà pourquoi j'suis devenu pyromane. En moi ça boue garçon, ça pète pire qu'une fuite de gaz. Pick up à mon chien déjà, ça deux, on vaut plus de tout dragon. Tu sais c'est noir chez moi, faut mieux rester loin d'ici. Puis je lâcherai pas le rap pour une femme, ça c'est ma parole d'MC. Mon rap est atypique, qui s'y frotte s'y pique. J'suis un gras du pic, t'inquiète j'ai de la carte sans réserve mec. Mon rap est éclectique, à tendance pacifique. Mais devient électrique quand le beat sort des ténèbres. Je canalise ma rage dans mes pages, elles en sont les seuls témoins. Désolé pour celles qui m'ont vu péter un câble quand c'était la tempête autour d'elles. Quand j'ai manqué de tendresse, c'est vrai. Mais surtout quand je manquais d'entraide. Sans cesse j'entends, dis-moi pourquoi ils y sont. Pourquoi tu me poses cette question? C'est pas moi qui noircis ce monde. J'ai pris de me croire fiston. Si je fais pas dans la couleur, c'est que quoi qu'il arrive, on ne me fera pas avaler la couleuvre. J'ingurgite sans cesse des tonnes de grâce en tout genre. Comme beaucoup d'autres, mon cancer ne se fera pas attendre. T'attends bien du rap tendre. Dommage ici c'est sombre. Trop de dommages dans ma tête qui s'étale sur ce son. Et sur ce je fonce avant que je ne m'enfonce. Bienvenue dans les marécages du songe. Ici on ne jette pas l'éponge. Tu sais pas ce qui petit à petit s'embrasse. Bienvenue au cœur de mes pages. Ici les textes émergent ou finissent en épave. Mec mais le temps n'est pas venu que je me casse. Jack j'ai la patate ferme même si le temps n'est pas clair. Allume tes phares ici c'est sombre et plein de brouillard. Ouais brouillard cache full fire au mic. Et ma feuille se consume sous mes doigts. Certaines entailles font que je vois la vie en niveau gris. À grande vitesse tu transmets. Mais mon savoir par fibre optique. Va dire aux petits qu'ils restent dans la lumière tant qu'ils peuvent. Car je sais qu'on ne choisit pas toujours de côtoyer les ténèbres. J'ai vu ma rime grandir dans la noirceur totale. Tu sais, si on se fait un chemin, ce sera grâce à l'ardeur de l'emphrase. Est-ce toi ou moi qui ne suis pas fait pour voir ce monde? Ça part en couille partout, mais c'est moi qu'on qualifie de sombre.